Témoignage de Monsieur Kayers Raphaël, né en 1920 à Moha, résident Huy, cuisinier, cadre chez Deloitte, et de son épouse Minet Angeline, née en 1918 à Chenille, ménagère, résident Huy également. Ce témoignage a été recueilli par Messieurs de Chêne et Mikils en 1979. De Condro, de l'Esbaye. Je le dis parce que je sais, ben, on y est moi au UDF. Dès qu'on arrivait de Charlie, ça allait fenêtre aussi. Mais quand on se met à Samina, les ouvriers, s'ils sont saints tout à l'auche. C'est une veille où on te dit que nous 20 siècles, on y a fait toutes les sourdes tôles, aluminium, fer blond, galvanisé, de tôle bleue pour les bus d'estouffe. Bref, on s'amoyait à Storgi. Dis la minouère qu'il a vu. Et puis des cisettes à paquet. Les descollets, les policiers, les rescues, les triets, les planets. Et puis on zébalif tout cela. Pour aller au coin de couette des montes, de l'oeil et stuc nos roues du challenge là. Et tout le monde en est profitif. Les ouvriers ne rechinaient sur les petites gouttes dépéquées, ni sur l'ouvrier non plus d'ailleurs. Mais on joue, les marchis de tout laminé devenaient trop stru. Il a fallu qu'on y ait tout. On s'abourrit du tout les laminoires. Et à cette heure, il n'y a plus que des machines qui déroulent des bobines qu'on veut passer tous les jours sur nos aussi des fouches. Ah ouais, ça va qu'on dit. Où est-il le temps où ce qu'il les ouvrit allait nous faire péter le Canada où les oignons et sauvions des caisses et risquent. Où t'aime les amis? Quoi qu'on dit? L'Ouhendelway a tout un monument de l'industrie hutuis. Et quand les passionnés et les joueurs disent, cinéma qui peut se rappeler des souvenirs qui ne bouteront moi foudre, qu'est-ce? Qui me rappelle que des drôles, dis-nous, qu'on est faire des hommes ou bien des pêches. Ainsi, au Ramaïtu, c'est-tu-le-ci qui ramassait les déchets tôt pour y les cisettes. Un bidon, c'est un bouquet de fier coupé de vin les bourgs qui arrivait de Houfonia et qu'on arrive tout blau en chaleur de vin de la minuire. Un paquet, c'est le paquet tôt qui sortirait fou de la minuire. Une masse. C'est une déchet tôt qu'on mettait fin de deux bidons, qu'on faisait frister aux filles pour faire des autres tôt. Faut me trouver un look de ces mots dictionnaire, et il est fort possible que tout cela soumé votre main, même devant les autres laminoires des pays. 1-1950 et 1960, on s'est gagé à Rome et l'Italie. Ça, c'est tout obligé, faute des mains d'où, belge. À coup sûr, on s'est loumé les macaronis, mais ça ne les y a moins fait de point. À mon délai, ça a tout fait bien tout. Et nous, je suis trop plein d'où, le snack au bien, c'est. Témoignage.